Le propriétaire du restaurant Subway de Delbaume-Cessy, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbaume-Cessy, au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à denradiosport.com. C'est une année olympique, Robert. Bon. La direction du club de golf de Chibougamau-Chaparral, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des camions de transporteurs et des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionneurs sont situés au 905 boulevard Amel à Saint-Félicien, au téléphone 418-679-4194. Un, deux, test. OK. Il est de retour de Calgary où il a participé au championnat junior canadien de patinage de vitesse sur courte-piste. C'est notre collaborateur de patinage, un de nos collaborateurs, David Simard, pour parler un peu des résultats de Maud Tremblay et ainsi de suite. Salut David. Bonjour. David, si on y allait maintenant avec le résultat, c'est un résultat satisfaisant pour Catherine Mailloux, pour également Fabien. Rosalie Tremblay, je ne sais pas parce qu'elle avait participé il y a 2 ans, mais dans le cas de Catherine, dans le cas de Maud Tremblay surtout, et même Karina Montmeilly, j'ai vu passer des messages sur les médias sociaux, c'est quand même encourageant. Oui, très encourageant. C'est des jeunes patineuses qui doivent performer contre des filles de 18-19 ans. Très bonne performance. Catherine, elle, c'est sûr qu'elle vise de plus en plus à performer, donc sa 9e place lui a permis de bien se classer à ce niveau-là. Au niveau de Rosalie Tremblay, c'est sûr qu'elle connaît, c'est pas ses meilleures performances, mais elle est en retour de compétition depuis peu. C'est très bon pour elle quand même. Elle a du chemin encore à faire pour revenir un peu comme elle était avant, mais je pense que ça va se faire déjà pour ses sélections nationales en janvier. Elle va être prête à ce niveau-là. Maud Tremblay, une 15e position pour elle, c'est quand même un de ses meilleurs résultats encore de cette année. Ceux qui ont eu les courses les plus serrées, a pas réussi à passer dans un top-bottom, nous autres, qu'on appelle dans notre langage, être dans le top groupe une fois, puis par un dixième de seconde, donc un bout de lame. Ça a montré qu'elle est capable d'être compétitive contre des plus forts, fait que ça, c'est très bien pour elle. Fait que l'année prochaine, ça risque d'être une année très importante pour elle à ce niveau-là. Puis dans 2 ans, elle est encore éligible 3 ans, elle, à ce type de compétition-là. Fait que elle, c'est bon. Fait que pour elle. Karina Montmini, très bon aussi comme compétition. Je pense qu'elle aurait peut-être visé un petit peu plus haut, mais quand même, dans l'ensemble, elle a réussi à bien faire au bout de la ligne. Flavie Larochois aussi, très belle compétition, belle course. Je pense que ça, je pourrais assez très bien. On a une autre aussi, Marianne Guy de Saint-Félicien, qui a participé, qui, elle, c'était une première expérience, elle a passé un peu par les temps, donc elle était classée dernière à la compétition, mais elle s'est quand même bien débrouillée en arrivant, je pense, 27 ou 25e, là, fait que c'est très bon pour elle. OK, donc dans l'ensemble, c'était un petit peu, ça servait un peu de d'expérience pour plusieurs, là. C'était compté de l'an prochain, exemple, je pense à Maud. Je pense que c'était bien plus. Elle me l'avait dit d'ailleurs que c'était pour prendre l'expérience qu'elle y allait. Oui, bien ça, la passe, c'était tout pour prendre l'expérience. C'était une première ou une deuxième expérience. L'année passée, on se jette dans le sujet, puis après ça, on voit c'est quoi. Là, eux autres étaient prêts à compétitionner, ces filles-là. Puis même compétitionner parmi les meilleures. Fait que moi, je pense que c'est très bien pour elle. Elle a fait quand même une vague B au 1500 mètres. C'est très bon pour elle. Fait que ça, je pense que c'est bon pour les années futures. OK. Dans le cas de Catherine, c'est quoi? Je veux dire, pas loin, là. Je pense que c'était les 5 premiers qu'il prenait, là. Il reste quoi? Il prenait les 4 premières. Okay. Il faut qu'elle travaille, c'est sûr que c'est la vitesse de cette année, là. Mettre un peu plus de vitesse. C'est sûr que être dans les 5 premières, c'est beaucoup plus, c'est plus difficile. Aussi la prise être dans les courses plus rapides pour elle, c'est super important. Donc, maintenir un tempo de base plus rapide pour elle, c'est quelque chose qui est important pour elle. Pour avoir un top speed, mais un tempo à long terme. Là. Les filles, dans les trois premières, sont quand même assez fortes. OK. Rosalie, est-ce que Rosalie était contente quand même de sa prestation? Non, je pense que Rosalie, c'est sûr que... Elle s'attendait pas à énormément, mais c'est sûr quand t'es un athlète, ben oui. Retourner un peu à la compétition, puis c'est difficile pour un athlète là, pas être à ton top niveau là, quand t'as une compétition de cette envergure-là. Là, je pense que c'est pour elle, elle aurait aimé ça être meilleure, mais elle était consciente que présentement, elle était pas physiquement, elle était pas encore à son plein niveau là. OK. Donc, c'est quoi la prochaine étape maintenant? C'est les qualifications nationales? Nous autres, c'est les sélections nationales en janvier. Okay. La sélection 2, donc, c'est pour sélectionner l'équipe nationale d'après Noël. Donc, les Mayans de Saint-Gelais, les Maud Tremblay va être là. Ça va être intéressant. Catherine Mailloux, elle est sur la liste un peu de rappel. C'est la première fille. Fait que s'il y a une fille qui n'est pas là dans cette compétition-là, elle va pouvoir y participer. Donc, ça va être une grosse compétition. Premier événement pour Maud. C'est un événement majeur pour elle. J'ai hâte de voir comment elle va réagir. C'est sûr que je m'attends pas qu'elle fasse un top, mais quand même, elle devrait être compétitive pour certaines courses un petit peu. Puis, il faut une première atout. Puis, c'est ça, c'est sa première compétition d'envergure nationale senior, ce qu'on pourrait dire. Okay, ça 15 bon ans, là, ça, c'est qu'ils sont deux. Ouais, c'est ça. Puis, sont deux 15 ans dans le groupe, là. C'est deux personnes d'exception. Fait que les autres ont tous 17, 18 et jusqu'à 34 ans pour Marie-Ève Drolette. Donc, c'est quand même une grosse compétition d'envergure pour elle. Okay. Donc, c'est important pour eux. Ben David, on se reparle. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci de ta collaboration. Et puis, je vais te laisser aller au paddock. Il faut être passionné pour arriver de Calgary. Puis on revient dans quelques minutes. On va sauter sur la glace encore une fois. Il faut être un méchant passionné. Merci. Voilà. C'est mon rôle. Voilà, David Simard, notre collaborateur de Patinage à vitesse sur Côte-à-Piste.